Accroché sur le mur de la chambre, un père, une photo qui passe te regarde de travers. Des verres éparpillés, l'ordre à quoi ça sert? Sur le trottoir en bas, silhouette en hiver. Tu passes ta vie entre quatre moqueries, tu n'as plus ni parents ni amis. Tu ne vois pas tous ceux qui te sourient, tant pis pour toi. Tu as choisi un amour qui s'éteint, mais à qui la faute? Et tu restes assis là, accusant les autres. Les draps sales dans un coin, plus personne qui passe. Ils ont fini par fuir chez le voisin en face. Et tu les entends cachés derrière la porte. Elle est peut-être là, tu attends qu'elle sorte. Tu passes ta vie entre quatre moqueries, tu n'as plus ni peur ni ami. Tu ne vois pas tous ceux qui te sourient, tant pis pour toi. Tu as choisi un amour qui s'éteint, mais à qui la faute? Et tu restes assis là, accusant les autres. Les draps sales dans un coin, plus personne qui passe. Ils ont fini par fuir chez le voisin en face. Confondre rêve et réalité, et puis revient la peur de tout faire chavirer. Tu passes ta vie entre quatre murs, tu n'as plus ni parents ni amis. Tu ne vois pas tous ceux qui te sourient, tant pis pour toi. Tu as choisi un amour qui s'éteint, mais à qui la faute? Et tu restes assis là, accusant les autres. Les draps sales dans un coin, plus personne qui passe. Ils ont fini par fuir chez le voisin en face. Accroché sur le mur de la chambre, un père, une photo qui passe te regarde travers.